Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dirigé le tir expérimental de la fusée balistique au système de pilotage et de guidage de précision. Sur le champ de tir, il a fait le tour du véhicule de lancement automoteur sur chenille et de la fusée balistique au système de pilotage et de guidage de précision. Il s'est renseigné en détail sur les éléments tactiques et techniques de la fusée et s'est exprimé satisfait du système perfectionné de façon à diminuer considérablement le temps de lancement grâce à l'automatisation très avancée du processus des préparatifs antérieurs au lancement par rapport aux fusées de la série de façon déjà existant et de la possibilité de contrôler rapidement les provocations militaires ennemies. Au poste d'observation, il a écouté le rapport sur le programme du tir expérimental et donné l'ordre de tir. Le tir a eu pour but de vérifier les indices techniques de la fusée de type nouveau, susceptible de frapper avec ultra-précision les cibles ennemies de n'importe quelle région, et d'examiner la crédibilité de la gestion du véhicule nouvellement conçu et fabriqué pour diverses situations de combat. Pour l'observation détaillée à distance jusqu'à l'étape de guidage terminal de la tête de combat pilotée, on a utilisé la méthode de tir à moyenne portée. La fusée lancée dans le ciel de l'Est au petit jour a frappé la cible fixée avec 7 mètres de déviation. On a examiné la stabilité de vol de la fusée portant la tête de combat avec les ailes de commande dans l'espace de vol actif et vérifié de nouveau la précision du système de correction de la vitesse et de stabilisation de la position par le moteur à réaction de petite taille dans l'espace de vol intermédiaire. Sont confirmées aussi l'ultra-précision de guidage dans l'espace de retour par le système de guidage terminal plus perfectionné et toutes les caractéristiques du trajet et du procédé des préparatifs de lancement automatisé du véhicule à chenille nouvellement fabriqué pour différentes conditions topographiques. En voyant le lancement fructueux de la fusée, le dirigeant suprême a dit que la fusée qui a fait sa première apparition sur la place lors du défilé militaire de la victoire consacré à la journée du soleil évoque un tireur d'élite qui fait mouche avec son fusil, que sa précision est telle qu'elle peut toucher même l'œil des ennemis. Il a ajouté. Le secteur de la science de défense nationale, toujours victorieux grâce à l'intérêt profond et à la direction de notre parti, est arrivé à réaliser, une fois décidé, les techniques de pointe d'ordre mondial à notre manière. Notre parti apprécie haut ce succès. À la nouvelle de nos récentes victoires de valeur, les Amerlocs seront plus accablés de soucis et les militaires de l'armée fantoche seront plus démoralisés. À partir de ce succès, il faut développer des armes stratégiques d'une plus grande capacité. Le secteur de la science de défense nationale est tenu de montrer clairement la puissance de notre industrie de guerre autodéfensive d'une façon multiple et successive selon notre horaire et notre feuille de route. Le dirigeant suprême a exprimé la certitude qu'il va opérer un plus grand essor avec le moral actuel pour envoyer un plus grand ballot de cadeaux aux Amerlocs. Il a été accompagné des camarades Lee Byung-chul, Kim Nak-kyum, Kim Jong-sik, Chang Chang-han, Jong Sung-il et Chun Il-ho.